salue c'est F.A. Baby. Par ici on insulte les keufs. Si je dois poser avec D6, ramène le Mac Morning avec l'œuf. Casse des dix, mes quartiers tristes aux acédiques qui cassent des vitres. Automatique, t'envoies des pics, j't'envoie une équipe comme ça c'est dit. You know. Aimé pour mes phases, mes punch, mes propos. Préviens mes détracteurs, j'ai un nouveau flow. Moi son don d'organe, j'ai toujours touché ton cœur. 93, 160, c'est sur la plaque et le compteur. Tous au cimetière, mais pas pour les mêmes défunts. Tu peux décalquer nos vies de rue, t'auras jamais même dessin. Jeunesse noyée dans la violence, avec ou sans perdre aucun. On tue à la station service, parce que la vengeance met le plein. Sans marcher sur l'eau, les petits de la tête, je les épate. Me crucifier devant mon public, ce serait le clou du spectacle. Je passe de femme en femme parce que l'amour m'a déçu. Braquer une pharmacie, ça soignera pas mes blessures. Baby, baby, baby, c'est moi. Baby, baby, baby, n'appelle-moi la police. N'appelle pas la police, même si t'entendais ouh ouh. N'appelle pas la police. Non. Baby, baby, baby, c'est moi. Baby, baby, baby, n'appelle-moi la police. N'appelle pas la police, même si t'entendais ouh ouh. N'appelle pas la police. No. On communique des cris de guerre, pour ça que la paix nous parle plus. Comme un meurtre ou une naissance, mon son sera toujours d'actu. Les plus qu'aillera ta zone, mes districts soient complètement. Le savoir est une arme, je peux venir te flinguer bêtement. Les tétrapégiques me suivent, je suis un leader du mouvement. On parle de moi dans le futur, parce que l'avenir c'est maintenant. Si tu clashes banlieue sale, t'iras plus jamais en ville. Les gars qui me protègent, ils te laisseront jamais en vie. Comme l'arbitre, si je cartonne, j'aurai plus d'une équipe sur le dos. Il me faut un gun et pas un mic, j'ai plus d'ennemis que de rivaux. T'es un mec du 9-3, c'est suicidaire, sahbi. Tant que tu donneras pas la mort, nous on va traquer à vie. Tu fais des clips dans ta rue, mais nous on sait que tu m'étonnes. Y'a qu'une pièce dans mon cœur, aucune pétasse me michetonne. You know, le patron, c'est Noisy Grand qui déboule. Des ennemis en nombre impair, j'ai 3-5-7 embrouilles. Baby, baby, baby, c'est moi. Baby, baby, baby, n'appelle-moi la police. N'appelle pas la police, même si t'entendais ouh ouh. N'appelle pas la police. Baby, baby, baby, c'est moi. Baby, baby, baby, n'appelle-moi la police. N'appelle pas la police, même si t'entendais ouh ouh. N'appelle pas la police. Rapper la rue c'est mon passe-temps. Me noter, j'insulte les passants. Fuck l'amour, je me sens visé, visé, prisonnier d'un cœur absent. Incompris, donc on se dit rien, non, y'a rien à dire quand t'es incompris. Atmosphère tendue bizarre, j'finisse pas livreur pizza. J'suis sur Paris, donc viens me chercher, ou viens me chercher pour faire des paris. J'ai un prendre que j'ai mérité, sur ta carrière j'ai mis arrivé. Bande de drogue de 16 go, et arme de lait, j'crois que ma clique est trop pistée. Sors du bloc ou du GMR avant que j'crève, fais-moi une chicha nerner. Mes amis branlent mes ennemis, t'inquiète, ça va pas durer. Quand des frères retournent leur veste, va pas juger couturier. Veux plus qu'une chienne me fasse de fleurs, cherche encore une Rosa Parks. M'assieds au fond de la classe, j'ai syndrome de Rosa Parks. Grosse bécane et drame, grosse rivière de larmes, sac d'aura si tu vis ma vie. Toi pétasse, tu caches les petits vols des sacs, les voisins n'entendent plus la nuit. Nostalgique, j'pense à de bang, y'a qu'à Dieu que j'demande pardon. J'me ferai fumer au Sun House vu que j'suis toujours au charbon. Baby, baby, baby, c'est moi. Baby, baby, baby, n'appelle-moi la police. N'appelle pas la police, même si t'entendais ouh ouh. N'appelle pas la police. Baby, baby, baby, c'est moi. Baby, baby, baby, n'appelle-moi la police. N'appelle pas la police, même si t'entendais ouh ouh. N'appelle pas la police.